Les choses de Georges Perec. Alors, c'est un petit livre, 180 pages, pas très pas écrit dense là dans ma version. Il est, y a pas vraiment d'histoire, c'est ça qui est intéressant déjà, ça intéressant à noter du moins parce que à lire, c'est vrai que c'est un petit peu statique, une bonne part du roman. Cela dit, on sent une progression, et ça c'est intéressant quand même. Et c'est vrai que c'est un peu imperceptible, et puis sur la fin, ça il y a comme une catalyse là, donc effectivement il se passe quelque chose. D'ailleurs, d'après ce que je lis sur le quatrième de couverture, c'est ça? Enfin bref, à l'arrière du livre, je sais pas. Cette histoire des années 60 inaugure une forme nouvelle de récit et fera école. Voilà. Le premier écrivain qui est mis au service d'une entreprise romanesque, les enseignements de l'analyse sociologique. Ouais. Bon, ça évidemment, on sent que c'est au cœur du truc, puisque. Mais enfin, c'est pas prégnant dans tout le livre. On passe pas son temps à se dire, ah là, il y a une analyse sociologique. Par contre, ce qu'on sent, c'est que c'est vrai que c'est un témoignage incroyable sur les années 60. C'est vraiment l'avènement du consumérisme, ou du matérialisme, de l'envie de posséder. Vouloir être riche, finalement. Maladivement. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait décrire les deux héros. C'est un couple, hein, un couple. Oh, les prénoms, on les dit, mais j'ai oublié. On sait à peine si. Ils n'ont pas d'existence en eux-mêmes. C'est vraiment une vision externe. Et là, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est une vision de sociologue. Ils s'attachent pas au personnage. D'ailleurs, c'est un point important. Il s'attache pas au personnage en tant qu'individualité. Ça pourrait être un peu n'importe qui. Pourtant, on rentre dans leur psychologie. Mais d'une façon très étrange. On a l'impression de pas du tout s'intéresser à ce qu'ils pensent. Et en même temps, ils dépeignent le dégoût, la fascination qu'ils ont pour certaines choses, etc. Donc, c'est une déshumanisation, une dépersonnalisation, doublée pourtant d'une psychologisation du couple de héros. C'est un peu étrange. D'ailleurs, ils n'ont aucune velléité propre, il n'y a aucun conflit de. Il n'y a même pas une discussion de couple, il n'y a rien, il n'y a pas un avis personnel de l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas une expérience personnelle. Je sais pas, un matin, l'un s'y se lève et puis il se sent comme ci ou comme ça. Non, jamais, jamais, jamais. Tout est vu, ah, ils auraient aimé, etc. Donc c'est vu à distance et pourtant, on se soucie de ce qu'ils ressentent quand ils sont à Paris, quand ils sont dans leur appartement, quand ils sont en Tunisie, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors, autre point, c'est quand même que, alors, c'est l'histoire quand même de Georges Perec. Bon, enfin, bon, je vais pas dire tout ce que j'ai lu sur lui, mais quand même intéressant. Hein, c'est quand même quelqu'un de particulièrement intéressant. Mort jeune, je crois qu'il est mort en 60, 71, 72, alors qu'il est né en 36. C'est assez, ça fait mal. Hein, ça fait mal de se dire ça. Ça fait mal parce qu'il venait enfin voilà, il a eu le prix Renaudot en 65. Donc j'ai peur. Non, à 29 ans, c'est incroyable, à 29 ans. Il serait devenu un grand, quoi. Enfin, il est un grand, mais il n'a pas eu le temps d'écrire comme il aurait voulu. Cela dit, bon, il a quand même écrit pas mal de choses, hein, faut pas. À la fin, ils disent qu'il était chargé de recherche au CNRS. N'empêche que c'est pas venu tout de suite. Cela dit, oui, 29 ans. Je suis complètement. C'est l'inverse d'un Mauriac, quoi. Mauriac, il a écrit Thérèse d'Escherou à l'âge où Perec était déjà mort. Hein, donc bon, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et du coup, c'est bon. On mesure un peu le génie d'ailleurs de Perec. Hein. Alors Perec, c'est pas son vrai nom. Hein, c'est pas breton, Georges Perec. Bon. Mauvaise blague. Non, mais amusant quand même, c'est vrai que Georges Perec. Non, il est pas breton, Georges Perec. Son vrai nom, c'est Peretz, TZ, parent d'origine juive polonaise. Bah, destin tragique, hein. En 40, le père est mobilisé et il meurt au front. A priori, il était assez partisan du combat anti-nazi, le père, c'est ce qu'on dit. Bon, ça peut se comprendre, hein. quand on est juif et qu'on a la chance de se battre, entre guillemets, hein, ou la chance, bon. Mais qu'on peut se battre contre les nazis, bon. Donc, mort en 40, au tout début de la guerre. En 42, je crois, sa mère l'envoie en zone protégée, elle le met à l'abri à la campagne ou dans un chez les moines, les curés, bref, et elle est déportée en 43 et elle meurt en déportation. Donc le voilà, orphelin. Orphelin avant 10 ans. Bon. Il a vu ses parents jusqu'à quoi 7 ans. Sa mère du moins, son père il a pas de souvenir quasiment 4 ans. Et puis là, chez les curés, bah, forcément, ils en profitent. Hein, alors pour le protéger, ils le christianisent, donc ils changent son nom, ils le baptisent, tout, puis voilà. Il devient Georges Perec, chrétien. Mais bon, c'est quand même pour dire que voilà, c'est déjà, ça pose. Et il faut aussi savoir que il est parti un moment vivre en Tunisie. Et puis il est revenu en France. Voilà. Qu'il a été d'ailleurs à ce moment-là, je crois, documentaliste au CNRS. Alors après, il est peut-être passé chargé de recherche, mais. Alors peut-être que d'ailleurs, documentaliste, ça veut dire chargé de recherche, mais je crois pas. Donc bon. Faudrait que je vérifie tout ça. Mais en tout cas, voilà un peu le parcours du bonhomme. Enfin, très rapidement. Hein, c'est deux choses. Parce que dans le livre, le couple va partir en Tunisie. Donc c'est important de voir que, enfin bon, c'est pas autobiographique du tout, je pense, mais il y a une partie de lui-même. Ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est que jusqu'où le matérialisme, la fascination pour les objets décrite pour les deux héros là, le couple, jusqu'où cette fascination était aussi celle de Pérec, ça on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est que ce qui m'a frappé, c'est que pendant une bonne partie du livre, même si on sent quand même que ce matérialisme est complètement absurde, bien sûr, on le sent. Mais enfin, c'est pas une condamnation d'ordre politique. D'abord, c'est un roman, c'est vrai que tant mieux qu'il ait pas fait une copie. Ça aurait pas vraiment eu de sens de passer son temps à cracher sur la bêtise des héros dès le début comme ça. Bon, il faut laisser au lecteur le temps de se faire sa propre opinion, hein. Mais malgré tout, on le sent. Cela dit. C'est pas brutal. Enfin, c'est pas brutal. Il y a comme une. Je ressens comme une. Comme si l'auteur excusait un peu les héros. Un petit peu. Hein. Excusait ou comprenait ou avait quand même une bienveillance à leur égard. Et pourtant, bon, là, je le dis tout de suite. À la fin. Il y a notamment la dernière phrase, voilà, c'est clair que là, il y a une condamnation très claire, très nette. C'est une forme de voilà, on sent que c'était l'intellectuel de gauche, Pérec, là, à ce moment-là. À la fin du livre, il y a une citation de Karl Marx, qui est d'ailleurs un peu étrange, j'avoue que je suis partagé aussi là-dessus, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais bon, je la lirai à la fin, de toute façon. Voilà, jusqu'où Pérec a décrit une tendance de lui-même? Manifestement qu'il a dépassé, mais enfin bon. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a d'abord un peu de bienveillance, sympathie, etc. Et puis en même temps, bon, bah oui, il y a le parcours des héros. Alors, il faut pas faire trop d'analogies, mais les héros qui sont allés en Tunisie, comme lui, parce que, ben, un passe en France, comme lui, je pense. Et puis retour en France, bon, pourquoi? Je pense qu'il y a quand même une proximité entre ce qu'ont vécu les héros et lui. Donc, ce serait intéressant de savoir jusqu'où on peut faire le rapprochement. Voilà, mais pour ça, il faudra que je me renseigne plus sur Pérec et que je lise autre chose de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence à suivre les deux héros. Ils s'installent à Paris, ils sortent de leurs études de sociologie, en gros, psychologie, je crois, sociologie. Et puis, ils font des enquêtes de consommation. En plus, c'est ça qui est amusant, c'est qu'ils ont un métier. Ils font des études qui potentiellement sont intéressantes, sociologie, psychologie, bon, enfin, je sais plus lequel des deux, d'ailleurs, peut-être les deux, je sais plus. Mais utilisées pour vendre plus d'objets aux gens. Donc, ils font des enquêtes pour savoir ce que les gens aiment, est-ce qu'ils préfèrent que leur rasoir soit bleu ou rouge, enfin, des choses de cet ordre-là. Donc, vraiment pitoyable, finalement. C'est mettre au service de rien. Bah, une certaine intelligence, et en tout cas des études, une capacité à réfléchir, mise au service de rien. de la connerie, quoi. C'est aujourd'hui, bon, le profil de ça, c'est le consultant. Bon, c'est un peu ça, je dirais. Sauf que, bon, c'est pas la... sont peut-être plus brillants les consultants que ceux qui ont un certificat, mais bon, on est dans les années 60, hein, c'est pas évident de comparer. Mais c'est un peu ça, intelligence au service de rien. Bon. Chose qui ne remettent pas vraiment en cause d'ailleurs. Hein. Ces pseudo-bohèmes, c'est une vie un petit peu excitante, ils bougent, ils vont en province, bon, mais ils sont basés à Paris. Et surtout, Pérec décrit tout ce qu'ils rêveraient d'avoir, ils passent leur temps à rêver d'avoir. Et là, en cela, je pense que bien sûr, c'est pas le premier à l'avoir vu, etc. Mais il y a quand même, au tournant, c'est vraiment, il décrit l'après-guerre finalement. Il décrit l'après-guerre, un après-guerre consommé. C'est-à-dire qu'on. Vraiment consommé, ouais. Début des années 60. On n'est plus dans le. On n'est pas dans le manque. Alors, on n'est pas dans l'euphorie de la suite. On n'est pas dans le manque du début des années 50. On n'est pas dans. On est, ça y est, on est dans la machine à consommer, là. Et on la construit à ce moment-là. On construit la fascination de l'imitation du riche. J'ai l'impression que finalement, moi je le lis comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mon analyse, mais. On passe d'un monde où il y avait des riches et des pauvres. Les pauvres étaient à leur place. Et passaient pas leur temps à se dire ah mon Dieu si j'étais riche. Bien sûr, un peu, c'est bien la fonction du, c'est bien le système qui veut ça, mais enfin pas sérieusement. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, le paysan au fond de sa campagne, il se disait bien sûr ah ce serait bien si je possédais ça et ça et ça, mais il côtoyait pas vraiment les riches, donc il passait pas son temps à se dire bon il faisait ce qu'il avait à faire quoi. Je pense que c'était pareil à beaucoup d'étages de la société. Mais avec ces deux jeunes qui viennent de finir leurs études, là, non, pas du tout, on n'est pas dans ça. On est dans. Ils vivent dans un petit appartement à Paris, je sais plus où, enfin bon, trop petit pour eux, hein, ça c'est important, c'est ça. Mais ils sont surtout au contact de Paris. Et Paris, c'est. Là, il s'est bien décrit d'ailleurs, c'est intéressant, hein. Quelque part, Paris, c'est le cœur français, là, on le sent bien. Le cœur dans toute son horreur, c'est-à-dire dans toute sa capacité à susciter l'ascension sociale, dans tout ce que ça a de pitoyable. Parce que finalement, ils côtoient les très riches, ils passent leur temps ben là, dans les beaux quartiers, Champs-Élysées, Saint-Germain, etc. Et du coup, ils voient tout ce qu'ils peuvent pas s'offrir. Et ils passent leur temps à rêver à tout ce qu'ils peuvent pas s'offrir. Moi, ça me rappelle un peu quand j'étais à Paris, c'est vrai qu'on passe son temps à regarder ce qu'on pourrait avoir, quoi. On regarde pas la nature, on regarde pas ça. Alors on peut être dans la culture aussi à Paris, mais bah d'ailleurs ils le sont un peu, hein, les héros là. Ils sont voilà, ils vont beaucoup au cinéma, machin. Bon, mais finalement c'est assez vide quoi. C'est assez vide. On a un avis sur tout, tout ça. Bon, il y a une critique aussi de la bande. Ils ont des amis qui leur ressemblent et puis voilà, il y a une critique. Bref, on n'a pas du tout envie d'être dans leur monde. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un peu déprimant. C'est intéressant aussi. Une sorte d'écœurement. Écœurement, c'est le à quoi bon vivre. Quelque part, il fait le tour d'une motivation matérialiste de vivre. Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que c'est pas. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui était aussi prégnant dans les époques antérieures. Je sais pas. Donc, ces deux héros-là, ben, ils épuisent leur envie de. Ils sont de plus en plus malheureux. Ils deviennent tellement malheureux. Et puis là, certains de leurs amis. Alors, c'est ça, c'est assez bizarre. C'est pas très bien décrit, mais il y a une partie de leurs amis qui quelque part trahissent et acceptent des postes un peu moins bohèmes et mieux payés. Et ils rentrent complètement dans le système. Sauf que c'est étrange parce que les deux héros, puisqu'ils ont envie d'avoir tout le temps, envie d'avoir, envie d'avoir, et politiquement, ont pas l'air très engagés. Bon, genre. Bon, un peu humaniste, mais enfin pas très engagé. Du coup, on voit pas bien pourquoi ils n'ont pas fait ce choix plus tôt, mais enfin bon. Les amis, certains font le choix, et ça fait des séparations entre les amis, etc. Puis eux, à un moment, ils craquent, ils en ont tellement marre de stagner, là, dans leur monde, où ils passent leur temps à manquer, que. Voilà, ils deviennent enseignants tous les deux en Tunisie. Puis ils se retrouvent un peu loin de l'autre. Bref, finalement, il y a qu'elle qui devient enseignante, et lui, il va avec elle, et ils vivent tous les deux à Sfax. Sfax. À 250 km en gros au sud de Tunis, donc malheureusement ils sont pas à Tunis, là où ils avaient des amis, là où c'est la grande ville, ils auraient pu encore recréer un peu leur ambiance parisienne finalement, mais à Tunis, bon. Eh ben non. Donc il se retrouve un peu dans la province tunisienne, hein, c'est avec toute son horreur. Hein. Et puis bon, bah, on décrit bien la ville, hein, Sfax. Et puis surtout, on décrit bien les états d'âme qu'on peut avoir. Ça, je trouve que c'est une espèce d'accéléré terrifiant, parce que c'est déprimant, de ce qu'on peut ressentir quand on est dans la situation, bon, expatrié, un peu sans rien, sans attache, sans contact. Sans... C'est ouais, le lien entre leur existence matérielle et puis psychologique, enfin je veux dire leur environnement psychologique. Donc ils restent pendant 8 mois, je crois, en Tunisie, puis ils reviennent à Paris. Très heureux de revenir. Ils retrouvent les amis, ils retrouvent leur Paris, etc. Et puis à nouveau, très vite arrive. Parce que la souffrance de ne pas avoir. Alors que pourtant, en Tunisie, il y avait une période où, à la fin, ils avaient même plus envie d'avoir. Ils étaient comme. Ils étaient comme. Alors, c'est un peu étrange, mais un peu comme anesthésiés de ce manque permanent. Parce qu'ils avaient été trop sevrés. C'est ça qui est intéressant. Quelque part, on montre bien que c'est. Voilà, c'est l'environnement qui crée le besoin, là. Hein. Ils avaient été tellement sevrés qu'ils finissaient par. Pff, mais en même temps, ils perdaient leur raison d'être, de vivre. Donc, ils avaient beau être anesthésiés. Ils ne pouvaient pas trouver leur bonheur dans ce monde, même s'ils ne désiraient plus. Ils cessaient simplement de vivre, quoi. D'avoir une vie de désir. Ils cessaient de désirer. Et du coup, ils n'ont pas à reporter le désir sur quelque chose de plus, qui aurait plus de sens, plus de pérennité, plus de valeur. Non. Ils vivaient moins. Donc, ils retournent vers le Paris où ils peuvent vivre plus. Et ils retrouvent leurs envies. Mais très vite, ça revient et très vite, l'écœurement. Et du coup, ils choisissent de partir. De partir. Enfin, de partir. Non. D'intégrer des grandes. Une grande. Voilà. D'intégrer un poste fixe. Ils n'écrivent pas vraiment, je crois. Je sais plus. Enfin, quelque chose de vain à nouveau. Hein. Et hop, c'est reparti. Et là, ils sont nommés à Bordeaux. Ils prennent le train pour Bordeaux. Et le livre se termine là. Ils vont vivre leur nouvelle vie. Alors je vais lire tout de suite la fin. Alors. Voilà. Faut pas écouter si on veut pas se rappeler la fin. Pas connaître la fin. Mais je vais la lire parce qu'elle est magnifique. Alors. Alors là, on parle de. C'est super parce qu'on change de temps. J'adore ça. Il joue avec le temps des verbes. Il faudrait que je trouve la transition. Il parle au futur. Ils iront à Bordeaux prendre la direction d'une agence, etc. Ce ne sera pas vraiment la fortune. Ils ne seront pas président directeur généraux. Ils ne brasseront jamais que les millions des autres. Là aussi, il y a un petit côté politique, mais doucement, hein. On leur en laissera quelques miettes pour le standing, pour les chemises de soie, pour les gants de pécari fumés. Ils présenteront bien, ils seront bien logés, bien nourris, bien vêtus, ils n'auront rien à regretter. Ça, c'est terrible parce que ils montrent bien que ils seront pas riches, mais plus qu'avant quand même, hein, bien sûr. Et tout ce gain de richesse sera utilisé pour ressembler à ceux qui le sont vraiment, riches. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils vivront pas mieux, dans le sens. Enfin, bon, ça c'est un peu moi, ça, mais. Voilà, c'est juste qu'ils auront les gants, la chemise, le fauteuil, voilà. D'ailleurs, ça enchaîne, hein. Ils auront leur divan Chesterfield, leur fauteuil de cuir naturel, souple et râssé comme des sièges d'automobiles italiennes. Leur table rustique, leur lutrin, leur moquette, leur tapis de soie, leur bibliothèque de chêne clair. C'est très actuel, hein. On sent vraiment, sauf qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être la télé. À une époque, c'était le home cinéma, maintenant c'est la télé écran plat, même ça se démocratise. On va trouver autre chose. Bon, il y a les voitures toujours. Ils auront les pièces immenses et vides, lumineuses, les dégagements spacieux, les murs de verre, les vues imprenables. Ils auront les faïences, les couverts d'argent, les nappes de dentelle, les riches reliures de cuir rouge. Ils n'auront pas 30 ans, ils auront la vie devant eux. Donc voilà, ça, voilà, ils auront la vie devant eux. Ça sonnerait plutôt positif. Eh ben non. Après, voilà, il dit qu'il va quitter Paris dans un wagon en première classe. Le train prendra de la vitesse, ils partiront, ils abandonneront tout, ils fuiront. Rien n'aura su les retenir. Bon. C'est quoi le rien? Bon, enfin, je sais pas. Alors là, c'est intéressant. Ils se rappellent de leur passé un petit peu, et puis maintenant, voilà, dira Sylvie, et cela leur semblera presque naturel. Ils se sentiront à l'aise dans leurs vêtements légers, ils se prélasseront dans le compartiment désert. La campagne française défilera, ils regarderont en silence les grands champs de blé mûr, les armatures écorchées des pylônes de haute tension. Ils verront des minoteries, des usines presque pimpantes, de grands camps de vacances, des barrages, des petites maisons isolées au milieu de clairières, des enfants courront sur une route blanche. Voilà, et on arrive à la fin du livre. Alors ça, faut le lire, je trouve c'est merveilleux. Le voyage sera longtemps agréable. Vers midi, ils se dirigeront d'un pas nonchalant vers le wagon-restaurant. Ils s'installeront près d'une vitre en tête-à-tête. Ils commanderont deux whisky. Ils se regarderont une dernière fois avec un sourire complice. Le linge glacé, les couverts massifs, marqués aux armes des wagons-lits, les assiettes épaisses et cussonnées sembleront le prélude d'un festin somptueux. Sembleront, hein. Mais le repas qu'on leur servira sera franchement insipide. Alors là, je trouve ça incroyable parce que, alors, c'est comme si le voyage en train était une métaphore de leur vie. Le voyage sera longtemps agréable. Ça, c'est ce qu'ils vont vivre au début à Bordeaux. Ensuite, ils se dirigeront d'un pas, ils vont aller manger, ils vont boire un whisky. Puis alors, il y a cette phrase étonnante. Ils se regarderont une dernière fois avec un sourire complice. Ils se regarderont une dernière fois. C'est-à-dire que quelque part, ils vont mourir. Ils vont aller à Bordeaux, ils vont se regarder, ils vont se regarder, et ensuite, ils vont plus se regarder. Donc, ils vont mourir en tant que, bon alors, en tant que couple, on s'en fout un peu, manifestement, c'est pas l'esprit de, mais en tant que sujet désirant, s'aimant, être capable de complicité, etc. Donc voilà, c'est fini, c'est la dernière fois qu'ils se regardent avec le sourire complice. Ensuite, voilà, c'est le luxe qui arrive, le linge glacé, etc. Sembleront le prélude d'un festin somptueux. C'est-à-dire, voilà, ils ont été trompés, ils pensaient que, voilà, tout arrivait. Mais le repas qu'on leur servira sera franchement insipide. Bah, le repas, c'est tout le reste, quoi. C'est la vie. Le grand gâchis aura eu lieu. Et alors ça, je trouve ça quand même assez magnifique. Cette fin, je trouve, métaphore du repas. Dans le restaurant des wagons-lits, là. Comme métaphore de la vie future, je trouve ça superbe. Tout en subtilité, pas dit, vraiment, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Et alors, ensuite, une citation de Karl Marx, de Saint-Cline, pan, qui arrive à la fin. Qui est amusante, alors. Qui est, on sent pas très littéraire d'ailleurs, mais bon. Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie. La recherche vraie, c'est la vérité déployée, dont les membres éparses se réunissent dans le résultat. On sent que ce qu'il reproche à ses héros, c'est justement que c'est pas vrai, justement. Rien n'est vrai. Moi, je le vois comme ça. Et ça rappelle plutôt enfin, des paroles de sages, un peu type, c'était très confucéen, hein, voilà. C'est très, voilà, ce qui est beau, c'est le chemin. Le chemin, c'est le but, en fait. Hein, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Enfin bon, c'est toujours la même idée. Hein, mais dit par Karl Marx, c'est assez amusant. C'est comme quoi, c'est vraiment la vérité. Il faut chercher la quintessence des choses dans chacun, dans le chemin, dans le moyen, et pas. Si on attend que le but pour vivre, on vit pas. Or, le matérialisme, c'est justement ça. C'est la fin. C'est la fin, et le moyen est souvent un sacrifice. Le métier qu'on n'aime pas, bon, etc. La compromission avec ce qu'on est, etc. Donc, je trouve ça très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, donc ça c'était la fin du livre. Mais je vais faire quelques citations qui précèdent, parce que quand même il y en a eu quelques-unes, pas énormément, mais. Alors. Ah, le début du livre est sublime. Le début du livre, il décrit l'appartement idéal pour ces deux-là. L'appartement idéal. Et il le décrit au conditionnel. L'entrée aurait une belle moquette, etc. Et il le décrit en détail, hein, sur une dizaine de pages, non un peu moins, hein, une huitaine de pages. Donc très précisément, il décrit tout l'appartement, le salon, la chambre, etc. Quels meubles, même quel livre, quel disque, enfin c'est impressionnant. Et à la fin de ce tout petit chapitre, alors je lis là à la fin de ce chapitre, les deux derniers paragraphes. Leur appartement serait rarement en ordre, mais son désordre même serait son plus grand charme. Ils s'en occuperaient à peine, ils y vivraient. Le confort ambiant leur semblerait un fait acquis, une donnée initiale, un état de leur nature. Leur vigilance serait ailleurs, dans le livre qu'ils ouvriraient, dans le texte qu'ils écriraient, dans le disque qu'ils écouteraient, dans leur dialogue chaque jour renoué. Ils travailleraient longtemps, sans fébrilité, sans hâte, sans aigreur. Puis ils dîneraient ou sortiraient dîner. Ils retrouveraient leurs amis, ils se promèneraient ensemble. Il leur semblerait parfois qu'une vie entière pourrait harmonieusement s'écouler entre ces murs couverts de livres, entre ces objets si parfaitement domestiqués qu'ils auraient fini par les croire de tout ancrés à leur unique usage, entre ces choses belles et simples, douces, lumineuses. Mais ils ne s'y sentiraient pas enchaînés. Certains jours, ils iraient à l'aventure. Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni l'amertume, ni l'envie. Tout le contraire de ce qu'ils vivent. Hein. Car leurs moyens et leurs désirs s'accorderaient en tout point, en tout temps. Ils appelleraient cet équilibre bonheur. Ça aussi, c'est. Il y a une distance là. Hein. Ils peuvent toujours l'appeler bonheur. Est-ce que c'est ça? C'est une autre question. Et sauraient, par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune. Voilà. Donc, on termine là-dessus. Ce premier chapitre de description. Ensuite, je vais lire deux paragraphes du début du chapitre suivant. Et presque tout le livre est là-dedans. Hein. Après, bon, bah, après, on met un peu d'histoire, mais tout est là-dedans. Et ça commence brutalement, deuxième chapitre. On change de temps. On était au conditionnel et on passe au conditionnel passé. Ils auraient aimé être riches. Boum. Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu'ils auraient su l'être. Boum. Ils auraient su s'habiller, regarder, sourire comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaire. Ils auraient oublié leur richesse, auraient su ne pas l'étaler. Ils ne s'en seraient pas glorifiés, ils auraient respiré. Leur plaisir aurait été immense. Ils auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Ils auraient aimé vivre. Leur vie aurait été un art de vivre. Ces choses-là ne sont pas faciles, au contraire. Pour ce jeune couple, qui n'était pas riche, mais qui désirait l'être, simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils n'avaient que ce qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d'espace, de lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie. Et c'était peut-être pire, de leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale, mais leur réalité, et ils n'en avaient pas d'autre. Mais c'était leur réalité, et ils n'en avaient pas d'autre. Mais il existait à côté d'eux, tout autour d'eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne pas marcher, les offres fallacieuses et si chaleureuses pourtant, des antiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais-Royal à Saint-Germain, du Champ de Mars à l'Étoile, du Luxembourg à Montparnasse, de l'île Saint-Louis au Marais, des Ternes à l'Opéra, de la Madeleine au Parc Monceau. Paris entier était une perpétuelle tentation. Ils brûlaient d'y succomber, avec ivresse, tout de suite et à jamais. Mais l'horizon de leur désir était impitoyablement bouché. Leur grande rêverie impossible n'appartenait qu'à l'utopie. Voilà, bah je pense que tout est là en fait. Le roman est là. C'est sublime. C'est l'avènement effectivement, de gens qui sortent de la pauvreté ou de la simple, pas survie, mais si de la vie simple, la pauvreté, mais une pauvreté normale et une frugalité. Mais non, là, tout à coup, c'est parce qu'ils sont un peu plus que ça qu'ils veulent beaucoup plus. C'est vraiment la machine capitaliste, la machine qui est en route, hein. C'est vraiment ça. On sent, c'est incroyable. Je trouve que là, c'est très très bien décrit. Et très triste, hein, parce que. Pfiou. Cela dit, bon, quand on lit Le Bonheur des Dames, ce pari tentant, bon, il existait déjà, mais bon, c'était quand même pour moins de gens. Alors que là. Mais le temps est incroyable, le conditionnel passé tout à coup. Alors, autre citation, un tout petit peu plus loin. Bon, c'est très court. Dans leur appartement. À l'intérieur, tout commençait à crouler sous l'amoncellement des objets, des meubles, des livres, des assiettes, des paperasses, des bouteilles vides. Une guerre d'usure commençait dont il ne sortirait jamais vainqueur. Ça c'est intéressant. On peut le prendre au pied de la lettre, mais enfin, c'est aussi, on remplit l'espace, quoi, quel que soit l'espace. Une guerre d'usure, ouais. De toute façon, ils sont en lutte contre tout ce qu'ils ont possède, qui les envahit. Je trouve ça intéressant. Alors, deux pages plus loin. Mais la seule perspective des travaux les effrayait. Il leur aurait fallu emprunter, économiser, investir. Ils ne s'y résignaient pas. Le cœur n'y était pas. Ils ne pensaient qu'en termes de tout ou rien. La bibliothèque serait de chêne clair, ou ne serait pas. Elle n'était pas. Les livres s'empilaient sur deux étagères de bois sale, et sur deux rangs, dans des placards qui n'auraient jamais dû leur être réservés. Ça c'est triste, c'est vrai. Pendant 3 ans, une prise de courant demeura défectueuse sans qu'ils se décident à faire venir un électricien. Cependant que couraient sur presque tous les murs des fils aux épissures grossières et des rallonges disgracieuses. Il leur fallut 6 mois pour remplacer un cordon de rideau. Et la plus petite défaillance dans l'entretien quotidien se traduisait en 24 heures par un désordre que la bienfaisante présence des arbres et des jardins si proches rendait plus insupportable encore. Malheureusement, je ne comprends ça que trop bien. Je trouve que du coup, ça parle. Mais entre ces rêveries trop grandes auxquelles ils s'abandonnaient avec une complaisance étrange et la nullité de leur action réelle, nul projet rationnel qui aurait concilié les nécessités objectives et leurs possibilités financières ne venait s'insérer. L'immensité de leurs désirs les paralysait. Ça, c'est beau aussi. Et 2 pages plus loin, peut-être étaient-ils trop marqués par leur passé. Et pas seulement eux d'ailleurs, mais leurs amis, leurs collègues, les gens de leur âge, le monde dans lequel ils trempaient. Voilà, là, on sent le sociologue. Peut-être étaient-ils d'emblée trop voraces. Ah, peut-être. Ils voulaient aller trop vite. Il aurait fallu que le monde, les choses, de tout temps, leur appartiennent. Et ils y auraient multiplié les signes de leur possession. Mais ils étaient condamnés à la conquête. Condamnés à la conquête. Il fallait tout, quoi. C'est vraiment l'enfant roi devenu adulte, quoi. Il pouvait devenir de plus en plus riche. Il ne pouvait faire qu'il l'ait toujours été. Mais ils étaient condamnés à la conquête, il pouvait devenir de plus en plus riche. Il ne pouvait faire qu'il l'ait toujours été. Voilà. Il supporte même pas l'idée de conquérir. Il fallait l'être, déjà. Ça, c'est terrible. Ça, c'est intéressant parce que je trouve que c'est l'avènement du concept de nouveau riche qui est critiqué d'une certaine manière. C'est marrant, ça m'énerve, ça, d'ailleurs. On sent que le nouveau riche est bien plus crétin que le riche de l'ancien temps, le riche au sang bleu. C'est toujours ça. On en veut plus au nouveau riche qui doit pourtant gagner sa richesse, lui. Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il ne supporte même pas l'idée d'être des nouveaux riches. Il fallait avoir toujours été riche, mais c'est fou. C'est fou. C'est le snobisme. Ils auraient aimé vivre dans le confort, dans la beauté, mais ils s'exclamaient, ils admiraient. C'était la preuve la plus sûre qu'ils n'y étaient pas. Bah oui. La tradition, au sens le plus méprisable du terme peut-être, leur manquait. Ah quand même, c'est méprisable. Mais bon, il décrit des gens, hein. Leur manquait. L'évidence, la jouissance vraie, implicite et immanente. Celles qui s'accompagnent d'un bonheur du corps, alors que leur plaisir était cérébral. Trop souvent, ils n'aimaient, dans ce qu'ils appelaient le luxe, que l'argent qu'il y avait derrière. Ils succombaient au signe de la richesse, ils auraient la richesse avant d'aimer la vie. Voilà, c'est ça les nouveaux riches. Dans l'esprit, enfin, une certaine catégorie de nouveaux riches, c'est vrai que c'est pathétique. Hein. On ne peut être que d'accord avec, avec Pérec, là. Alors, quelques pages plus loin. Ils auraient aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin puissant, qu'ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés, une passion qui les aurait comblés. Hélas, ils ne s'en connaissaient qu'une, celle du mieux vivre, et elle les épuisait. Ça, c'est quand même très de notre temps aussi. Hein. Celui qui a la vocation sait très bien. L'autre, les autres, trouvent pas leur place. Je pense que ça aussi, c'est nouveau. Mais c'est lié au choix aussi. Donc, c'est aussi lié à un combat gagné. Alors, un peu plus loin. Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu'on... toujours plus qu'on ne pouvait acquérir. Ce n'était pas eux qui l'avaient décrété, c'était une loi de la civilisation. Une donnée de fait, dont la publicité en général, les magazines, l'art des étalages, le spectacle de la rue, et même, sous un certain aspect, l'ensemble des productions communément appelées culturelles, étaient les expressions les plus conformes. Voilà. Ils avaient tort dès lors de se sentir, à certains instants, atteints dans leur dignité. Ces petites mortifications, demander d'un ton peu assuré le prix de quelque chose, hésiter, tenter de marchander, lorgner des devantures sans oser entrer, avoir envie, avoir l'air mesquin, faisaient-elles aussi marcher le commerce. Voilà, là aussi c'est... Il a quand même bien dépeint cet horrible système. Alors là on saute un peu, j'arrive à la page 103... Alors, d'autres fois, ils n'en pouvaient plus, ils voulaient se battre et vaincre, ils voulaient lutter, conquérir leur bonheur. Mais comment lutter? Contre qui? Contre quoi? Ils vivaient dans un monde étrange et chatoyant, l'univers miroitant de la civilisation mercantile. Les prisons de l'abondance, les pièges fascinants du bonheur. Or, c'est bien dit. Où étaient les dangers? Où étaient les menaces? Des millions d'hommes, jadis, se sont battus, et même se battent encore, pour du pain. Jérôme et Sylvie ne croyaient guère que l'on pût se battre pour des divans Chesterfield. C'est exactement ça. Mais c'eût été pourtant le mot d'ordre qui les aurait le plus facilement mobilisés. Rien ne les concernait, leur semblait-il, dans les programmes, dans les plans. Ils se moquaient des retraites avancées, des vacances allongées, des repas de midi gratuits, des semaines de 30 heures. Ils voulaient la surabondance. Ils rêvaient de platines cléments, de plages désertes pour eux seuls, de tours du monde, de palaces. L'ennemi était invisible, ou plutôt, il était en eux. Il les avait pourris, gangrénés, ravagés. Ils étaient les dindons de la farce, de petits êtres dociles, les fidèles reflets d'un monde qui les narguait. Ils étaient enfoncés jusqu'au cou dans un gâteau dont ils n'auraient jamais que les miettes. Là, c'est quand même très politique, là, c'est vrai. Là, ils se moquent du fait que les deux héros sont insensibles à toutes les luttes sociales, à tout ce qui a été important, et puis maintenant ils s'en foutent, c'est un peu comme nous, quoi. Le problème, c'est d'avoir des forfaits de portables un peu moins chers, parce qu'on s'en fout complètement de semaine de... Voilà, on travaillait plus pour gagner plus. Mais les amitiés aussi s'effilochaient. Ouais, là, il y a une critique de l'amitié, comme j'en parlais, je trouve, qui est bien, bien décrite aussi. Les amitiés aussi s'effilochaient. Certains soirs, dans le champ clos de leurs pièces exiguës, les couples réunis s'affrontaient du regard et de la voix. Certains soirs, ils comprenaient enfin que leur si belle amitié, leur vocabulaire presque initiatique, leur gag intime, ce monde commun, ce langage commun, ces gestes communs qu'ils avaient forgés, ne renvoyaient à rien. C'était un univers ratatiné, un monde à bout de souffle qui ne débouchait sur rien. Voilà, ben moi c'est un sentiment que j'ai déjà ressenti. Donc je retrouve que c'est... Alors, sans doute pas du tout, enfin, c'est pas lié, je pense, à la consommation, mais il y a quelque chose. Je trouve qu'il décrit quelque chose, là, moi je trouve très vrai. Leur vie n'était pas conquête, elle était effritement, dispersion. Ils se rendaient compte alors à quel point ils étaient condamnés à l'habitude, à l'inertie. Ça, c'est terrible. Ils s'ennuyaient ensemble. comme si, entre eux, il n'y avait jamais eu que le vide. Ça, je... Ouais. Alors ça, faut tout faire pour dire que non, mais... Longtemps, les jeux de mots, les beuveries, les balades en forêt, les grands repas, les longues discussions autour d'un film, les projets, les racontars leur avaient tenu lieu d'aventures, d'histoires, de vérités. Mais ce n'étaient que des phrases creuses, des gestes vides, sans densité, sans ouverture, sans avenir, des mots mille fois répétés, de mains mille fois serrées, un rituel qui ne les protégeait plus. Protégeait plus de l'ennui, en fait. Hein. Ça, bon, c'est moi qui l'ajoute, mais je trouve que ça décrit très bien. Moi, je ressentis ça vraiment. Alors, pas tout à fait comme ça, mais... Alors, derrière, il y a aussi une idée intéressante, c'est n'était que des phrases creuses. À force, c'est de pas vivre les choses et d'en parler, quoi. À un moment, ça suffit plus. Ça suffit plus. Puis le petit groupe, quoi, qui s'écrase sur lui-même. Je trouve ça très, très intéressant. Alors, nouveau, une page plus loin. Petit à petit, sans y prendre vraiment garde, Jérôme et Sylvie se retrouvèrent presque seuls. L'amitié n'était possible, leur semblait-il, que quand ils se tenaient les coudes, quand ils menaient la même vie. Mais qu'un couple soudain acquiert ce qui pour l'autre était presque la fortune, ou la promesse d'une fortune à venir, et que l'autre, en retour, privilégie sa liberté conservée, c'était deux mondes qui semblaient s'affronter. C'est bien dit, ça. Ce n'étaient plus des brouilles passagères, mais des failles, des scissures profondes, des blessures qui ne se refermeraient pas d'elles-mêmes. Voilà. Magnifique. Magnifique. De station en station, antiquaires, libraires, marchandistes, cartes de restaurants, agences de voyage, chemisiers, tailleurs, fromagers, chausseurs, confiseurs, charcuteries de luxe, papetiers, leur itinéraire composait leur véritable univers. Là reposaient leurs ambitions, leurs espoirs. Là était la vraie vie, la vie qu'ils voulaient connaître, qu'ils voulaient mener. C'était pour ces saumons, pour ces tapis, pour ces cristaux que, 25 ans plus tôt, une employée et une coiffeuse les avaient mis au monde. Ah, je trouve là... Ah non, mais c'est quand même... C'est... La fin du paragraphe, c'est merveilleux, quoi. C'était... Finalement, il fait le raccourci, Pérec, il ose faire le raccourci, qu'ils ont été mis au monde par, un employé, voilà, une coiffeuse, etc. Une employée, une coiffeuse, donc ça c'était donc leurs parents. Et ben ils ont été mis au monde dans le but d'en faire des consommateurs. C'est ça, hein, c'est finalement, mais c'est terrifiant comme il a résumé, raccourci, et ce raccourci lui-même... on peut pas être complètement... dire que c'est complètement idiot comme raccourci, parce que c'est bien que c'est leur but, leur but aujourd'hui, donc ils ont été mis au monde pour ça, donc. Enfin, pas pour ça, dans l'idée de leurs parents, mais c'est bien le résultat. Et ben ça, c'est quand même terrifiant. Alors, une citation plus politique, d'après ma petite note. Comment faire fortune ? C'est un début de chapitre. C'était un problème insoluble. Et pourtant, chaque jour, semblait-il, des individus isolés parvenaient, pour leur propre compte, à parfaitement le résoudre. Et ces exemples à suivre éternels, garants de la vigueur intellectuelle et morale de la France, ah, ça c'est, au visage souriant et avisé, malin, volontaire, plein de santé, de décision, de modestie, étaient autant d'images pieuses pour la patience et la gouverne des autres, ceux qui stagnent, piétinent, rongent leurs freins, morts de la poussière. C'est tellement bien dit. Et nous, on nous gave de gens qui réussissent à la télé. Jusqu'à ce qu'on se dise, c'est le rêve américain, quoi, pour tous, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut y arriver, j'ai réussi. Ah oui, mais en fait, tout le monde ne va pas y arriver. Mais tant que tout le monde peut croire qu'il va y arriver, on continue, on remet pas en cause le système, puisque moi, j'aurai peut-être mon tour. Ben, c'est quelque chose qui est quand même usé jusqu'à la corde aujourd'hui, mais qui marche très très bien. Ah, décrit il y a 40 ans, c'est pas mal quand même. 45 ans. Il savait tout de l'ascension de ces chéris de la fortune, chevaliers d'industrie, polytechniciens intègres, requins de la finance, littérateurs sans rature. Une belle allitération, ma foi. Globetrotteurs pionniers, marchands de soupe en sachet, de moins en moins glamour, prospecteurs de banlieue, crooners, playboys, chercheurs d'or, brasseurs de millions. Leur histoire était simple. Ils étaient encore jeunes et étaient restés beaux, avec la petite lueur de l'expérience au fond de l'œil, les tempes grises des années noires, le sourire ouvert et chaleureux qui cachait les dents longues, les pouces opposables, la voix charmeuse. les pouces opposables. Ça, je trouve ça. Ça, quand même. Ça, c'est une sacrée trouvaille. C'est très drôle, là, quoi. C'est l'homme, quoi. C'est la chanson de Zazie, quoi. Ça y est, on a décrit l'homme, quoi. C'est, mon Dieu. Ça y est, on a les pouces opposables. Ça y est, on a les dents longues. On peut tout détruire. On peut vivre pour rien. On peut se gourer de but. Ça y est. On a les pouces opposables. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, là. Là, c'est très drôle. Alors là, je vais presque jusqu'à la fin du livre. Hop. Ouais. Il y a des petites fautes de frappe dans le livre, c'est assez marrant. Page 168, qui est suivie de la page 69, qui est suivie de la page 170. Est-ce un clin d'œil à la position sexuelle ? Je ne pense pas. Et dernière citation, je crois, ou une des dernières. Il leur semblait maintenant que jadis, et ce jadis chaque jour reculait davantage dans le temps, comme si leur histoire antérieure basculait dans la légende, dans l'irréel ou dans l'infortune. Jadis, ils avaient eu au moins, la frénésie d'avoir. Ça, c'est ce qu'ils n'ont plus à la fin de Sfax, à la fin de la Tunisie. Cette exigence, souvent, leur avait tenu lieu d'existence. Ils s'étaient sentis tendus en avant, impatients, dévorés de désir. Et puis, qu'avaient-ils fait ? Que s'était-il passé ? Quelque chose qui ressemblait à une tragédie tranquille, très douce, s'est installé au cœur de leur vie ralentie. Ils étaient perdus dans les décombres d'un très vieux rêve, dans des débris sans forme. Il ne restait rien. Ils étaient à bout de course au terme de cette trajectoire ambiguë qui avait été leur vie pendant 6 ans, au terme de cette quête indécise qui ne les avait menés nulle part, qui ne leur avait rien appris. Voilà. Magnifique, magnifique. Il n'y a pas besoin de commenter. Hein. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc c'est un livre intéressant, témoin d'une époque. Un petit bémol hein, quand même, pour c'est pas très marrant à lire, un petit peu descriptif quand même. Et surtout, c'est un peu dans l'époque. C'est-à-dire que c'est englué dans l'époque. Il y a beaucoup de références, il fait référence à certains auteurs, certains disques, ou je sais pas, des matériaux, des modes, des choses que je connais pas, donc bon, il faut un peu passer par-dessus ça. Enfin, c'était pour reprendre la métaphore du bonheur des dames, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a des milliers de choses que je comprenais pas, hein. Les tissus, les machins, les trucs pour femmes d'il y a 100 ans, je connaissais pas. Donc, c'est un peu pareil, il faut passer par-dessus ça, c'est pas. C'est ancré dans une époque, quoi. C'est ce qui rend. C'est pas moins universel pour autant, parce que seulement il faut traduire, c'est-à-dire on peut pas. Faut imaginer quoi, tant pis, on comprend pas tout, mais c'est pas grave. On perd un peu le plaisir de bien se représenter toute chose. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est quand même quelque chose qui peut gêner un peu, mais ça n'empêche pas que voilà. D'ailleurs, à la fin du livre, la quatrième de couverture. Pour nous tous, désormais, l'idée de bonheur est liée aux choses que l'on acquiert. Divan de cuir, chaussures anglaises, vêtements de cachemire, chaîne de haute fidélité, tapis hindou, table campagnarde et fauteuil Louis XIII. Mais de quel prix nous faut-il les payer ? Choisirons-nous la liberté ou les choses ? Tel est notre dilemme. Voilà, on a bien compris à ce moment-là où était le problème. Malheureusement, on s'est vautré, on a pas. Je sais même pas si beaucoup de gens ont vu le dilemme. Ça rappelle le livre d'Erich Fromm, « Avoir ou être ». Un choix dont dépend l'avenir de l'humanité, voilà. La liberté ou les choses, c'est être ou avoir. Voilà. Donc c'était quand même, donc il a eu le prix Renaudot, ce livre, Renaudot, en 1965. Donc il y a 44 ans. Mon Dieu. Georges Perec, Les choses.